Bonjour, voici Bluesy, une émission proposée par Denis Claraz. C'est l'heure du blues. Ah oui, tiens, dis donc. Bonsoir à toutes et à tous, et bien bienvenue dans cette nouvelle émission de Bluesy. Je suis très heureux de vous retrouver pour diffuser quelques jolis titres à se mettre entre les oreilles. On a commencé par un duo français hein, qui s'appelle Two Roots. Effectivement, dans le nom du duo, on retrouve bien ce côté traditionnel que nous avons entendu. Et là, c'est une composition qui nous est proposée avec Sister, une composition de ce duo qui est composée de Ronan Le Quintrec et de Sophia Taï. Alors, on va passer maintenant à quelque chose d'un petit peu plus électrique et qui est aussi un hommage rendu à un très grand guitariste. Il s'appelait Matt Guitar Murphy. Un double album vient de sortir qui reprend de nombreux titres, évidemment, interprétés par de nombreux artistes. Alors, il a fallu faire un choix. Le choix s'est porté sur une version de Going Down South interprétée par Kenny Blues Boss Wayne. From a hollow storm. Yeah, I'm going down south, 'cause I heard the blues from a hollow storm. You can bet your bottom dollar that we'll join in at the swamp. They've got the hustlers from Harlem and the women from across the hill. They've got the hustlers from Harlem and the women across the hill. Drinking corn liquor from a fruit jar, straight from their favorite still. Dancing on the big dance floor. You can hear the guitar ringing, people dancing on the big dance floor. It's going on all night long, way after the rooster crows. Encore et toujours avec un album de Dennis Jones, un guitariste au rythme très énergique, c'est le moins que l'on puisse dire, L'album s'appelle About Time et le titre d'ouverture que je vous propose aujourd'hui est Condition Blues. Doctor says you're fine, nothing's wrong with you. Something just ain't right, don't know what to do. Get out of your bed, put on your dancing shoes. That song in your head sounds like the blues. Oh, that music you've been missing. Condition blues. Been locked down for 2 long years. Nothing but bad news streaming in your ears. Now you know the blues. Now you understand how to walk in the shoes of another man. Oh, it's time for you to listen to what's inside of you. Oh, it ain't no superstition. It's called condition blues. Condition blues. That's what's wrong with you. Condition blue. Quelle belle voix soul, c'était celle de Willie Walker avec Second Chance. Allez, on revient à un blues un petit peu plus traditionnel avec Kenny Neal et son Bayou Blood avec des rythmes syncopés tout à fait magiques. Bayou Blood. Marcel's beating on Uncle Paul. Papa says he's got to fight us all. We know Marcel's got to pay. His Bayou Blood is thick that way. That's a Bayou Blood is about to flow. Ain't no talking gonna do no good, cause it ain't no cooling that Bayou Blood. Thank you. myself and took things a little too far. Tip was burning like kindling wood. It ain't no cooling that bayou blood. Mama says everybody gonna lose. Nice street more dead down in Baton Rouge. That bayou blood. Yeah, mama told me that. And that Marcel, we never seen him again. They must have drove him out to the swamps. Gave him to the gators. Kenny Neal, guitariste, harmoniciste, chanteur. C'est presque toutes les cases que coche celui que nous allons entendre maintenant. Il s'appelle Doug Jay et il y a une vingtaine d'années, il avait sorti un album assez rythmé, on va dire, avec du jump aussi. Enfin, c'est un très très bel album. Je vous propose d'écouter tout de suite le titre qu'il ouvrait. Il s'appelle In the Darkest Hour. Et l'album est Jackpot, Doug Jay and the Blue Jays. In the darkest hour, C'était Bluesy, une émission présentée par Denis Claraz.